Ah, allez, fuis ta bagnole de merde, arrête de me prendre la tête. Arrête de me prendre la tête, hein. Tu m'emmerdes avec ta bagnole, tu vas venir la récupérer là. Tu vas venir la récupérer. Déjà, tu vas me payer, tu vas me payer le temps que j'ai passé déjà pour la réparer. Ça, déjà, il n'y a pas de problème là-dessus. Tu vas venir m'emmener mes sous, tu vas m'enlever ton tas de merde ici. Et puis, t'es saloperie de putain de bagnole là, je ne peux plus voir d'ici là. Je ne peux plus voir d'ici, t'as compris? Fais pas comme ça là. Tu vas prendre ton auto là, tu vas me dégager d'ici là. Tu vas m'emmener ici, tu me vas. Tu vas m'emmener ici, parce que toi l'auto là, l'auto va finir dans la loi. Elle va finir dans la loi, l'auto là. T'as bien compris? Déjà, tu vas changer le carreau, tu vas changer le pare-brise, parce que je l'ai mangé le pare-brise là, j'ai mangé le carreau là. T'as bien compris ce que je viens de te dire? Tu vas venir me chercher ton tas de merde là. Oui, le carreau il est cassé. Et puis alors, qu'est-ce qu'il y a? Ici, ça fait quoi maintenant? I don't know.